knows nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king without a crown, hanging loose in the dig town. But I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bone. Swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, and he's losing a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bone. Je t'enseigne mon temps. défend l'honneur. Revolution. Voici un tir à garder de poids, on n'est pas les plus à pleine. A domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les trafoirs comme le végan. Tout sort d'une rente, that's a trick down. représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts, et toi tu sois champion, chanteur reconnu. Tout ça sort de la rue, hein, qu'il crue, voilà en tout cas. Nous sortons d'une rampe, Bazin Breakdown. Une trêve d'or très peu. Les factions sont sur le qui-vive. On n'est pas à l'abri d'un sale coup. Beaucoup sont déçus. Et ça cause des pleins d'âmes que l'on ne peut oublier. Impossible aussi d'oublier ceux qui sont tombés, bons ou mauvais. On en garde des souvenirs impérissables. Si un jour je deviens vieux, ce dont je doute avec la vie que je mène, j'écrirai un book sur ce quartier. Belzès. Nous sortons d'une ronde. Belzès Breakdown. Yeah. Gibecier, conque à fond, rêvait d'être policier. Eh bien, c'est fait. Pourquoi on t'a pris en train de te faire sucer la bite dans un conteneur à bouteille vide ? Il se voyait protégeant les faibles. Mais tu roulais en marche arrière sur une tondeuse. T'avais 8 grammes, mon gars ! Il se voyait désamorçant une bombe. Mais me dis pas des conneries. On a trouvé 100 grammes de bœuf dans le cul de ton chien, planqué dans un étui à lunettes. Il se voyait arrêtant un gros bonnet. Attends, JP, depuis quand tu t'appelles Suzanne de la montre à chair ? Il s'imaginait dénouant une sale affaire de mœurs. Ah oui, mais je suis désolé, mais un mec en tutu en train de chier dans la gouttière de la mairie, forcément ça nous attire. En fait, Gibecier est maman. Allez, va ranger ta chambre à déguisement. Allez, dans ta chambre. Devenez maman. C'était un communiqué du ministère de l'Intérieur grolandais. Tu veux faire quoi cette nuit ? La même chose que chaque nuit, Minus, tenter de conquérir le monde. Et lorsque tu déclares que t'es barre, t'es un connard, réponds que t'as que le bébé, je ne fais que mon devoir. fa, mi, do, fa, mi, fa, do, la, fa, do, la, fa, do, fa, la, do, la, mi, do, la, mi, la, do, do, la, mi, do, la, mi, la, do, ré, si, fa, si, ré, sol, mi, si, ré, sol, mi, la, si, ré, si, fa, si, ré, ré, si, fa, ré, si, fa, si, ré, do, fa, mi, do, fa, mi, fa, do, la, fa, do, la, fa, do, fa, la, do, la, mi, do, la, mi, la, do, ré, si, fa, ré, si, fa, si, ré, sol, mi, si, ré, sol, mi, la, si, sol, mi, si, ré, sol, mi, la, si. ain't gonna eat, I ain't gonna sleep. Ain't gonna breathe till I see what I wanna see. And what I wanna see is you go to sleep in the dirt. Permanently, you just being hurt. This ain't gonna work for me. This wouldn't be sufficient enough, cause we are just gonna be enemies. As long as we breathe, I don't ever see either of us coming to terms where we can agree. There ain't gonna be no reason speaking with me. You speak on my seat, then me ain't no speaking English. So we gonna beef and keep on beefing unless you're gonna agree to meet with me in the flesh. Instead of this face to face, then you're gonna see a demon unleashed in me that you never seen. And you're gonna see this gangster be on himself. I see you D12, but thanks for me, need no help. Me do this one on my own. I don't need 15 of my homies. When I see you, I'm seeing you. fait de même devant tant de souffrance humaine. Je ne sais pas. Qui n'aurait pas pris un produit illicite face à la détresse d'un Michel Touvier, anorexique de 60 ans, mangeant ses cheveux trop graisseux pour un crâne trop sec? Oui. Qui ne se serait pas roulé un bon gros joint six feuilles en écoutant les plaintes d'une Christelle Poulbert, enfant du parloir analphabète de 200 kilos et flatte sexuelle d'un oncle libidineux? Oui, ça c'était ça du sud, deuxième saison, hein. J'ai adoré. Non. Qui n'aurait pas laissé fondre sur sa langue un timbre de LSD après avoir interviewé Thierry Albrecht, Alsacien atteint du syndrome Gilles de la Tourette, et répétant inlassablement cette phrase lourde de douleur, je cite « Pute, pute, pute, ferme ta gueule, donne-moi du jambon, salope !» Celui-là, mais il était dégratiné. Hein. Qui n'aurait pas versé dans sa vodka Red Bull 12 pilules d'ecstasy après avoir recueilli le témoignage poignant des anciennes gloires d'Hélène et les garçons, les Nico, José et autres cris d'amour, vivant une descente aux enfers faite de piges à Carrefour et de foire aux saucissons? On avait bien ri, hein. Vous regardiez beaucoup, apparemment. Non, non, mais j'ai un peu potassé le sujet, c'est pour ça, non? Donc, pour vous, Jean-Luc Delarue a des circonstances atténuantes. Évidemment! Qui n'aurait pas plongé son nez dans une pyramide de cocaïne en voyant Corinne, anciennement Francis, annonçant à ses enfants médusés qu'il faudrait désormais l'appeler maman et non plus papa? Relations with other academics and historians. His later life spent in prayer at the schools. plus. C'est pour les groupes perdus et les grandes cités. T'as une nana minée, viens avec moi. On va percuter et on va baiser l'état. L'état se met nos raïs, mais le vertige que le pénis autant rentrer dans mon pays. C'est compté les écrevisses. Tout à l'heure me fait bizarre. Moi je viens de Blizzard. Tu peux faire ton spiral, tu seras jamais meilleur grand wizard. Alors laisse tomber la renommée. Laisse les crétins tapiner et viens te rassasier. Alors viens pas le targuer, oublier, trop nommé. On va toucher comme des péchés, j'avais pardonné. Avec un parachute doré, on la porte est tentée, mais liberté endettée. Et ces trains ne font rêver que ces faits créanciers. Alors nique la France et tous les autres pays. Délivrance pour les étudiants, les travailleurs, les paysans. Soyons maudits, moquons-nous des mélisants. Soyons maudits, moquons-nous des mélisants. Liberté pour les parasites, les précautions et les fondardés. Whole wide world feels when Africa continent rises. Who's born?